pas changé qu'au bas du 7. J'ai pas retourné ma veste. Je collectionne les billets de 500. Passe mon genre dans l'hélico sur la concu. Je laisse mes sons. La vie ne fait pas le moine en survêt, mais je fais rentrer comme un homme d'affaires. Maintenant c'est moi l'aîné chez moi. J'ai fini de régler toutes les dettes de ma mère. 500 000 ici, 400 boîtes par là. Sur WhatsApp ou Bigo avec un gros six. Ça détaille ici, ça pique par là. Et quand elle est condée de partout, ça crie. Et ça depuis tout petit, que de spi, la baisie. Pas le plus rapide, mais le plus endurant qui survit. J'ai augmenté le niveau. Dis que je streamais, tu donnes R44 sa mère. Tu donnes R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine. L'heure qui va dans la mer, je suis plus dans le mec. Je suis plus dans le mec, je suis plus dans la mer. Et je vois la ville en hélicoptère. Je vois la ville en hélicoptère. Le cul de ma mère, je suis plus dans le mec. Je suis plus dans le mec, je vois ses mères. Et je vois la ville en hélicoptère. Le monde est haut, ça va me frapper. Non, c'est mort. Je vais vous dire la vérité. La rue n'est pas aussi simple qu'apparaît. Y'a des gros bâtards, des fils de pute, des mecs tu pousses, que t'as refait, t'as habillé, que t'as logé, que t'as nourri, qui te répondent plus. Y'a les pénuries, des sans surprise, 48 heures ou 72 heures. Des gros jaloux, mais moins que rien. Les grands KO ou les comédiens. Les armes de guerre, les armes de poing. Les mères qui pleurent, les guerres de terrain. Les chasses le jour, l'acquise aussi. C'est dur mais pas grave, on fait. J'ai pas quitté mon bendo, sous 10ème et 17ème bâtiment. La bande de drogue contribue à nourrir ma famille, c'est notre. Elles veulent que j'arrête, mais je peux pas. Même si je voudrais, bah je pourrais pas. Comment refuser une passe? Ah, comment tu peux refuser tes baisses? Je donne R44 sa mère. Je donne R44 sa mère. Et nique sa mère, le jeu de paix. Mon chef de projet m'a dit que je streamais. Je donne R44 sa mère. Je donne R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine. L'heure qui va dans la mer, je suis plus dans le mec. Je suis plus dans le mec, je suis plus dans la mer. Et je vois la